Cours numéro 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه المثال التاسع ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم. الله عز وجل في كتابه العظيم وكذلك son message صلى الله عليه وسلم ils ont légiféré des huquq bain al-khalq, t'as des devoirs كذلك et t'as des droits, t'as des huquq pour préserver ta personne, pour préserver tes biens. فلهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي التي هي صلاح وخير, c'est pour le bien de la personne, فيها خير وصلاح, لأن المجتمع, un groupe de personnes qui vivent sans connaître leurs huquq et كذلك leurs wajibat, leurs droits et leurs devoirs, c'est un mujtama, il vivra comme al-baha'im. لأن sans ces huquq, c'est al-dhulm qui prendra le dessus, les injustices. كذلك al-qawi, il profitera du da'if, celui qui a des connaissances, qui a un certain poids, qui a de l'argent, rubbama, il sera injuste envers le miskin. لأنه لا يعرف هذه الحقوق. هذا الدين الآن الله سبحانه وتعالى إلى لجفري دي حقوق entre العباد. فقال الشيخ سعدي وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين. premier exemple ما يتعلق بالوالدين, les parents, ils ont un حق عظيم et الله سبحانه وتعالى ses parents qu'ils ont souffert pour avoir cet enfant, il leur a donné une place à part pour cet enfant. فَأَنْتَ هَذَا الدِّينَ, il te montrera les حقوق, les droits que tes parents ils ont envers toi. Et ça c'est عظيم. كَمْ مِنَ الْوَالِدَيْنَ مِنَ الْآبَى مِنَ الْأُمَّهَاتِ, ils sont مَضْلُومٍ, ils subissent une injustice par leurs propres enfants, pas par des autres. فَرُبَّمَا, celui qui lui fait le plus de mal à ce père ou à cette mère, c'est son propre fils ou sa propre fille. Pourquoi? لِأَنَّ هَذَا الْوَلَدْ أو هَذِهِ الْبِنْتِ, cet enfant, ce garçon ou cette fille, ils ne connaissent pas الحقوق. Ils n'ont pas été élevés à la dîn l'islam. Ils ne connaissent pas dîn l'islam. Donc, ils ne donnent plus le haq à son père ou à sa mère. رُبَّمَا, il respecte plus son ami ou une personne qu'il ne connaît pas, comme un chanteur, comme un sportif, plus que ses propres parents. Rubbama, il aime cet étranger plus que ses parents. Amma, avec ses parents, fa kal harb, il ne les respecte pas, rubbama, il les insulte. Ba'duhum, ils sont arrivés à un niveau, wal iyadu billah, khasatan al kafar al mujrimin, rubbama, il tape ses propres parents. Rubbama, il porte plainte contre ses propres parents et les attaque en justice. Il ne connaît pas le haq de ses parents. C'est un valim, c'est un mujrim. Pourquoi? C'est quoi la cause? C'est ce manque. Ils ne connaissent pas dîn l'islam. Ou ils ne veulent pas accepter dîn l'islam qui donne le haq à chacun. كذلك الأولاد. قال وشرعها للوالدين. On reviendra un peu en détail. والأولاد. كذلك الأولاد, ils ont un haq sur leurs parents. لأن هذا الولد, surtout au départ, il est vaïf, il est faible, il a besoin de ri'aya, de inaya, de tarbiya. Et tu trouves certains parents, ils ont un ihmal ajib. Ils ont été la cause pour avoir cet enfant. Thumma, il ne lui donne pas son haq. Une mauvaise éducation. La yuhsinuna ilayh, rubbama yadribuna. Ils le tapent sans aucune raison. Wa hada al-walad, il devient madloum par ses propres parents. Ses parents, normalement, qui doivent le préserver, le protéger, bi-idhnillahi azza wa jal, ça devient la cause de tous les problèmes de cet enfant. Pourquoi? Li-anna, ses parents, imma, ce n'est pas des musulmans, kafara, ils ne connaissent pas al-huquq, imma, c'est des musulmans, lakin, ils ont un va'af, azim, et ils ont un naqs, kabir. في هذا الجانب في التربية وفي معرفة الحقوق. كذلك قال والأقارب les proches. نعم صلة الرحم c'est important في ديننا. Les liens de parenté, que ce soit les parents, que ce soit oncle, tante, que ce soit frère, sœur. فالأقارب ils ont un حق sur toi. قال والجيران les voisins. كذلك ils ont un حق. Pourquoi? لأن il y a un lien. Tu as un lien avec eux. Tu les vois tous les jours. Si c'est des personnes qui ont une mauvaise éducation, un mauvais comportement, ça te ferait du mal. S'ils font du bruit, s'ils te font du mal avec leurs déchets, avec, etc. Donc, il y a un haq avec le diable. Pourquoi? Il vit à proximité de toi. Et anta kadhalik. Donc, si tu lui donnes son haq et il te donne ton haq, inshallah, ça te facilitera. Donc, l'islam, il lui a donné un haq à ce jar, le voisin. قال والأصحاب كذلك les amis, ils ont un haq. الإحسان والكلام الطيب والتعاون تسعى على البر والتقوى والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر كذلك حق الزوجة على الزوج وحق الزوج على الزوجة كذلك le mari il a des droits, حقوق. Et la femme, كذلك, elle a des حقوق. Donc le mari doit respecter les droits de sa femme et la femme, elle doit respecter les droits du mari. Tout ça, دين الإسلام, il a donné à chacun son حق. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فعطي كل ذي حق حقه. Et Salman, رضي الله عنه, كما في الصحيح, قال لأبي الدرداء إن لربك عليك حق. Il démontre à Abu Darda, le Sahabi al-Jalil, il lui démontre أن الله سبحانه وتعالى il a un حق sur toi. قال ولنفسك عليك حقا. كذلك ton نفس elle a un حق عليك. ولأهلك عليك حقا. Ta femme كذلك elle a un حق sur toi. فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا المسلم. هكذا الإسلام. Il nous enseigne هذا الدين العظيم أن نعطي كل ذي حق حقه. Chacun, tu lui donnes son حق. Chacun à sa place. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a entendu la parole de Salman, et ils lui ont rapporté à Salman, il a dit tel conseil à son frère Abu Darda, son frère de l'islam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أي أقره على ذلك صدق سلمان أي سلمان il a dit vrai. نحن on doit faire attention à ses حقوق pour ne pas être injuste. لأن الله عز وجل لا يحب الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حق المسلم على المسلم خمس. Le مسلم il a un حق sur son frère dans cinq choses. قال النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام. Ça c'est un حق que ton frère il a. الإنسان il faut attention qu'il ne soit pas égoïste, il pense qu'à lui. Ou il fait comme son nefs à lui وسوس. إن النفس لأمارة بالسوء. الإنسان doit يتقيد بدين الله عز وجل أي بما استطاع منه. Il y a des règles à suivre. Tu as des حقوق à donner. Les gens, ils ont des droits. Enfin, parmi ces droits que le musulman il a sur toi, ayyuha al-muslim, raddu salam. Et raddu salam, c'est wajib. Au moins, le minimum, tu réponds comme il t'a rendu salam. S'il te dit assalamu alaykum, tu dis wa alaykum salam. Ou wa alayka salam. Hada, c'est muhim. Ce haq, on ne doit pas avoir de ihmal dessus. Il y a ce haq, il peut. Si on le respecte pas, ça peut engendrer des choses. Le shaitan y rentre. Pourquoi tu m'as pas passé salam? Thumma l'autre il se vexe, thumma ça fait al-furqa. Surtout Ahl al-Sunnah. C'est awla an-nas bihad. Tu passes le salam. Et si ton frère il te passe le salam, tu lui réponds. C'est ça l'asl. Et là dans certains cas, ma'roufa, lakin al-asl, c'est que tu rends salam à ton frère musulman. كذلك وتشميت العاطس. Et ça c'est مهم كذلك. Si ton frère il dit الحمد لله, tu dis رحمك الله. هذا c'est مهم. تشميت العاطس. قال وإجابة الدعوة. كذلك, ça c'est un haq que ton frère il a sur toi. Si t'invites, tu réponds. Et bien sûr, dans ces choses, nous on parle al-asl. Amma si c'est une da'wa fiha munkarat, ou tu peux pas, t'as un udr, ou t'as été invité par une autre personne, tu peux pas répondre à tout le monde. فهذه الأمور معروفة بضوابطها. لكن si t'as le qudra pour répondre et il n'y a pas de munkar, tu dois répondre à ton frère. Pourquoi? Pour préserver les liens des muslimines. بعضهم ببعض. رد السلام تشميت العاطس وإجابة الدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم وعيادة المريض. Et ça c'est مهم كذلك. Et للأسف on a un تقصير في هذا. On a un تقصير, لكن ces faiblesses qu'on a, on se rappelle et on lit ce genre de rasail, ce genre de hadith, pour nous motiver. لِأَنَّ التَّقْسِيرِ لِحَاصِلِ. On est des bachar. Lakin, on se conseille et on s'entraide. فَعِيَادَةُ الْمَرِيدِ. C'est muhim, ton frère musulman, si ton malade il a un haq, tu lui rends visite. رُبَّمَا, une kalima tu vas lui dire, ça va lui faire du bien. رُبَّمَا, tu connais une méthode pour se soigner qu'il ne connaît pas et tu lui montres. Un conseil, des choses à éviter à cause de cette maladie. Tu lui fais un dua et un ajr azim. On ne détaillera pas, nous, mais chaque point fait le haqiqa, yastahiq kalima. On pourrait faire une kalima pour chacun de ces points en détail. On est sallallahu subhanahu wa ta'ala tawfiq. Lakin, huna nadkur bi-ikhtisar. Il y a un ajr azim fi iyadati al-marid, al-muslim. Ou attiva' al-janaiz. كذلك c'est un haq que le Nabi صلى الله عليه وسلم a cité. Un haq, ce musulman il a un haq même après sa mort. Si il meurt, ce frère, فمن حقه علينا, même après sa mort, c'est qu'on suit sa genèse et on fait salat sur lui et on fait dua pour lui. Ça te montre que هذا الإسلام il appelle à ces liens qui sont forts, السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. الحديث كما تقدم إليه في صحيح مسلم. ومن أعظم هذه الحقوق حقوق الوالدين بعد حق الله عز وجل bien sûr. أما الشيخ سعدي رحمه الله يسيت الحقوق بين الخلق, فلهذا قال ما شرعه الله ورسوله بين الخلق. أما et on en profite نحن pour rappeler à nos frères أن أعظم حق, le plus grand حق, c'est حق الله عز وجل كما في حديث معاذ. Et حق الله عز وجل c'est أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. C'est ça أعظم حق, c'est que tu unifies Allah عز وجل في العبادة. لا تشرك به شيئا, لا وليا ولا ملكا ولا رسولا ولا نبيا ولا أحدا. وعبد الله ولا تشرك به شيئا. Donc ça c'est أعظم حق, حق الله. Et كذلك أنت تعطي حق, ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. أن si tu respectes ce حق, et tu adores Allah seul, tu ne fais pas de shirk, pas de sacrifice pour les tombes, pas de demande aux morts. On ne place pas notre confiance en un makhluk ضعيف, là. On adore Allah عز وجل seul. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Celui qui respecte ce حق, فإن حق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أي لحق كتا si tu respectes ce حق عظيم, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il châtie pas celui qui respecte ce حق. Ça c'est ton حق à toi. Allah subhanahu wa ta'ala il châtie pas celui qui l'adore, qui adore Allah seul جل وعلا et qui meurt à la tawhid. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم il a un حق عظيم, الاتباع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول إذا حق عظيم. On doit l'aimer plus que nous-mêmes. On doit le suivre. On doit le respecter. On doit détester ceux qui lui manquent de respect ou ceux qui le détestent. هذا c'est un حق عظيم. On doit défendre sa sunna. On doit aimer ses compagnons. Tout ça c'est من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة ils ont un حق عظيم. On doit les aimer. On doit détester ceux qui leur manquent de respect, qui les détestent, qui les combattent, comme les rawafid et autres. كذلك ولاة الأمور ils ont un haq. Les gouverneurs, ils ont un haqq azim. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et parmi leurs huquq, c'est at-ta'a. On leur obéit dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et si on peut les conseiller, on les conseille. Si on ne peut pas les conseiller, on fait du'a pour eux. Et surtout, on n'appelle pas à se rebeller contre ce wali, ce amir musulman. Et on met en garde contre ceux qui appellent à la rébellion contre les gouverneurs musulmans. Et pour préserver l'unité, pour préserver l'âme, la sécurité, tout ça c'est min al-huquq que le musulman doit connaître. Et ça nous montre les bienfaits et les mérites de ce dîn. Si chacun, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'ati kulladhi haqqin haqqa, comme a fait hadith Abdullah ibn Amr, ou la parole de Salman que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, chacun il donne le haqq à celui qui a un haqq, on vivrait en paix, en sécurité et dans une ni'ma. Lakin, tous les problèmes que tu vois, c'est qu'un haqq il n'a pas été donné alors qu'il devait être donné à cette personne à ce moment. Haqq au gouverneur, haqq au prophète, haqq à un voisin, haqq aux parents, haqq entre frères et sœurs. Tout ça, c'est des problèmes. Prends l'exemple de l'héritage. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes entre familles à cause de l'héritage. L'imad, il y a un manque dans les huquq. Et Cheikh Saadi, c'est le prochain mythal qu'il a cité. Et Inch'Allah, on essaiera de le citer en détail. Pourquoi ce frère, il est injuste envers son deuxième frère, il prend une part plus grande. Oh, ils sont injustes envers leur sœur, il lui donne rien alors qu'elle mérite. Tout le monde, ça fait des problèmes. Et Robbama, ça finit en justice. L'imad, cette personne, elle vaut son haq, son propre frère de sang, il ne veut pas lui donner. Ils finissent au tribunal. Tout ça, pourquoi son haq, il ne lui a pas été donné. Donc, chaque chose a un haqq et on doit lui donner son haqq. On revient à l'huquq al-walidayn, l'Anna Cheikh Saadi l'a cité, et on a dit c'est min a'zam al-huquq. Qala Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayn ihsana. Ta'ammal ce verset. Anna Allah subhanahu wa ta'ala il a cité son haqq. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Haqq Allah. C'est le plus grand haqq. Allah, il a un droit sur toi. Tu dois le respecter. Il t'a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Donc, ce droit, tu dois le respecter. حَقٌ التَّوْحِيد. تَأَمَّلْ ce verset. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité son haqq. التَّوْحِيد. ثُمَّ il a cité directement dans le même verset. حَقُّ الْوَالِدَيْن. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الإحسان envers tes parents. C'est un haqq. C'est eux, un sabab. تَعِبُوا فِي تَرْبِيَتِكَ. خَاصَةً la mère, elle a souffert pendant la grossesse, l'accouchement, les premiers mois, les premières années, l'allaitement, tout ça jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Ou cette fille, elle devient une femme, thumma, tu dois être reconnaissant. Comme a dit Azza wa Jal, hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Tu dois reconnaître le ma'ruf. Si une personne, elle te rend un service, une personne étrangère, tu dois reconnaître le ma'ruf. Comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yashkuru Allah, man la yashkuru al-nas. Tu ne seras pas reconnaissant envers Allah si tu n'es pas reconnaissant envers al-ibad, si ils t'ont été utiles dans une chose. Bi-idhnillah Azza wa Jal. فَمَا بَالُكَ tes parents. Ils ont un haqq azim. قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ. Un homme, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ أَحَقَّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي. C'est qui la personne avec qui je dois le mieux me comporter. قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمك. Ta mère. Ça nous montre ce hadith que la mère a un haqq plus grand que le père. Qala ar-rajul thumma. Ensuite, après la mère. Qala ummuk. Une deuxième fois, il lui répète, ta mère. Qala ar-rajul thumma. Et ensuite, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ummuk. Troisième fois. Pour lui montrer l'importance de la mère. C'est elle qui a le plus souffert. C'est elle qui aime le plus cet enfant. Donc, en retour, tu dois l'aider. Tu dois avoir de l'amour envers elle. Tu dois patienter si elle fait des erreurs. Si ce n'est pas une musulmane, tu dois l'appeler à l'islam. Si elle n'est pas à la sunna, tu l'appelles à la sunna, tout ça berifq. Avec le kalam al-hasan. Hada, hakada al-walad al-salih. Et c'est comme ça que notre religion, elle nous montre parmi les fondements de notre religion, donner le huquq aux autres. Haqqullahi azza wa jala walan, haqq al-rasul, et bien sûr, haqq al-walidain, etc. Wa yaqulu Allahu azza wa jala, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Même si ses parents c'est des koufars, c'est des mushrikoun, et ils appellent cet enfant à faire du shirk, à délaisser son din, kufr wadih, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فَلَا تُطِعْهُمَا. Ça te montre que il ne faut pas comprendre que ces huquq, on obéit à nos parents ou à quiconque dans la désobéissance d'Allah. Parmi les huquq, c'est que tu te comportes bien envers lui, tu as du ihsan, lakin tu ne lui obéis pas dans la désobéissance. L'imad, lui-même, ce parent, il doit obéir à Allah. Lui-même, c'est une créature. Lui-même, il doit s'écarter des interdits, faire les obligations autant qu'il peut. Donc, on n'obéit pas dans la désobéissance. لكن مع هذا قال عز وجل فلا تطعهما تبيبا وصاحبهما في الدنيا معروفا. S'il accepte pas la da'wa, il veut pas délaisser ce péché, ou il veut pas délaisser ce kufr, il veut pas rentrer dans l'islam, ça veut pas dire que tu te comportes mal, ça veut pas dire que tu coupes les liens comme un autre kafir, tu as aucun lien avec lui, il veut pas écouter da'wa, il déteste l'islam, tu coupes les liens معه et تهجره لله عز وجل وهكذا صاحب البدعة والضلال. Amma les parents, fala, wa sahibhuma fi dunya ma'roufa. Un bon comportement. Ils ont besoin de toi, t'es là. Tu les conseilles, tu patientes. T'es toujours là quand ils ont besoin. Et inshallah ta'ala, c'est une forme de da'wah. Donc on conseille nos frères qui sont éprouvés par des parents qui ne sont pas musulmans, ou des parents qui sont sur al-bid'a, ou shirk, ou al-dhalal, annahum ils patientent. Ils ont un haqq. Malgré cet égarement, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné هذا الحق. Ta'ammal au début du verset, wa in jahadaka ala an tushrika bi. Ay, même s'il t'appelle à faire du shirk, fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'ruf, dans le même verset. Donc, on doit faire des efforts fi hada. Kadhalik min a'zam al-huquq qu'ils ont envers toi tes parents, c'est que tu leur fasses cette dua. Tu leur fasses cette dua. Si c'est des kuffar, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Abu Huraira radiyallahu anhu, avant que sa mère elle rentre dans l'islam, et il était très attaché à sa mère radiyallahu anhu, et ça lui faisait du mal que sa mère c'est pas une musulmane. Pourquoi? Li'anna Abu Huraira, il connaît le châtiment de celui qui meurt à l'al-kufr. Donc marra, il est parti voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé de faire du'a pour sa mère. Ça montre anna min a'dham al-huquq, c'est que tu fasses cette du'a pour tes parents. Donc, Rasoul, il a fait du'a. Abu Huraira, il est rentré chez lui. Et sa mère, comme tu le sais, da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, radiyallahu anha, elle a prononcé la shahada et c'est devenu une muslima. Wa fariha Abu Huraira jiddan. Donc, nous, كذلك, on fait du'a pour nos parents. Celui que ses parents c'est des kuffar, ça devient des muslimines. Ou si c'est des juhal, ils connaissent pas sunna, nahum yastaqimun ala sunna nabi sallam wa hakada. Ça c'est un haqq qu'ils ont alayna. Kadhalik al-ihsan bil mal, les aider financièrement et prendre soin d'eux. Tu trouves ceux qui critiquent l'islam laylan wa nahara min al-kuffar. Nahum critiquent l'islam, nahum ils font apparaître que cet islam c'est un digne de barbare, et eux ils savent très bien ba'dhum. Amma ba'dhum, c'est des juhal kal hayawana. Il connaît pas et il veut pas connaître. Lakin ba'dhum, ils connaissent très bien hadhihi al-umur. Tu trouves ceux qui critiquent l'islam da'iban, lui-même, il a un naqs ajib envers ses parents. Kathir minhum l'an, leurs parents, ils arrivent à un certain âge, c'est la maison de retraite. Wala yubali bihum. Il a aucun ihsan. Et t'alamou, la maison de retraite, c'est pas facile. C'est comme un hôpital, c'est comme une prison à Hiyal. Anahum, ils ne peuvent pas sortir quand ils veulent, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Et tu trouves cet enfant, il met ce parent à la maison de retraite alors qu'il peut s'en occuper. Et Obama, il le visite une fois dans l'année. S'il le visite. Donc, moi, il critique l'islam. Notre islam, c'est dinu al-izza wa sharaf wa al-karam. Donc, on doit être fier. La tartar, ayyuha al-muslim, bi hada al-harb qu'ils font contre l'islam. Et faire apparaître que hada al-islam, il est mauvais et il faut le remplacer. Un din azim, si tu étudies point par point, comme dans cette risale, c'est pour ça que tu trouves al-muslimoun, wa lillahi al-hamd, wa lou ba'd al-usa. Ba'd al-juhal min al-awam, rubama sa'a asi, et il a un taqsir kabir, fi din Allah azza wa jalla, lakin il prend soin de ses parents. Et ma'ad al-yana, ça reste un musulman. Il a ce khayr. Et tu trouves kafir, rubama il a un mustawa dans le mujtama'. C'est un professeur, c'est un médecin. Il a une place. Il a un certain niveau. Et tu le trouves. Ma'a walida, il n'a aucune inaya. Pourquoi? Il en a même ce niveau qu'il a dans le travail, au niveau argent, etc. Il n'a pas ce din. C'est pour ça que ça reste un mujrim, un kafir. Ses parents, il ne leur donne pas le haq. Bel Allah, Azza wa Jalla, il a un haq azim. Il l'a créé, il ne lui donne pas son haq. Les parents et autres min babi awla huquq al-jar كذلك Cheikh Saadi l'a cité. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار. Jibril il a pas arrêté de conseiller le prophète صلى الله عليه وسلم sur le voisin et sans cesse دائما ما زال جبريل يوصيني بالجار. Ça montre l'importance de ce point. Le voisin. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم il a dit j'ai pensé que tellement que Jibril il m'a conseillé de prendre soin du voisin et de lui donner ses droits. حتى le prophète صلى الله عليه وسلم il a pensé أنه il va lui donner une part de l'héritage. أنه on doit donner une part de nos biens comme on donne à nos enfants, etc. Le voisin كذلك il aura une part dans l'héritage. Et le voisin, il n'a pas de part dans l'héritage. Lakin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala hada pour te montrer l'importance de ce point. Al-Jar, il a une manzila à part. C'est ton voisin. Tu es proche de lui. Donc, tu dois le respecter, ne pas faire de bruit. Si c'est un musulman, il a un autre haq alayk. Annahu, il a haq de l'islam, il a le haq du voisin. Si c'est un kafir, t'en profites du bon comportement. Et de l'ihsan que tu lui fais pour faire da'wah comme il faisait le Nabi alayhi salatu wa salam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulu al-jannah, c'est min al-hadith al-wa'id. Il ne rentre pas dans le jannah celui que son voisin il n'est pas à l'abri de son char, bawa'iqahu, son mal. Son voisin n'est pas à l'abri. Certaines personnes, il a tellement peur de son voisin et qu'il lui fasse du mal, qu'il ne peut pas voyager. S'il voyage, Obama, son voisin, c'est un voleur. Ou il lui fera du mal dans sur sa maison, ou ses biens. Il ne peut pas, il a peur de lui. Pourquoi? C'est un voisin qui ne respecte pas hadith al-huquq. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur ce genre de voisin, قال, la yadkhulu al-jannah. Ça, c'est min al-hadith al-wa'id. Huquq al-awlad, كذلك. C'est muhim. Al-awlad, tes enfants, ils ont un haq sur toi. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama dhakarna fi hadith Abdullah ibn Amr, inna li waladika alayka haqqa, inna li waladika alayka haqqan. Ton nafs a un haq sur toi. Et tes enfants, ils ont un haq sur toi. Min huquqihim, on peut citer quelques exemples. Et c'est un haq, il est muhim. Et fil haqiqa, c'est un haq, c'est un droit que cet enfant il a avant que cet enfant il existe. C'est que tu choisisses une femme saliha. Hatta si tu as des enfants avec elle, faturabbi hadhihi haula al-awlad ala sunnah, ala tawhid wa ala din al-islam. Un haq azim. Et cet enfant il n'existe pas encore et anta t'es un sabab, donc choisis cette femme qui patientera avec cet enfant. لِأَنَّ الْمَرْأَ سَيْأَوُّ الْمَدْرَسَ كَمَا يَقُولُونَ. La femme, c'est comme une école. Cet enfant, il profitera de sa mère si elle est saliha. Et si sa mère, c'est une shirira, عِيَادًا بِاللَّهِ, ça se verra sur cet enfant. Donc, anta, tu veux avoir des enfants et tu veux que ces enfants ils soient à la khayr, ils soient à la huda, et tu veux leur donner leur huquq, liana, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'être juste envers tes enfants. Awalan, avant de faire des enfants, choisis une femme saliha, une femme qui est à la sunnah. Certaines femmes, même le droit qu'il a dans l'allaitement, cet enfant ne profite pas. Une femme qui allaite, l'enfant il profite. C'est pas comme une femme qui allaite pas, bien sûr, sauf si elle a une excuse. Lakin, si elle a pas d'excuse, pourquoi le priver? Même cette chose, chez certaines personnes, c'est quelque chose de futile. Fa'indana, c'est azim. Thumma, après l'allaitement, l'éducation, Obama, il est petit à la crèche. Thumma, il grandit un peu l'école. Thumma, le collège. Thumma, le lycée. Thumma, la roue. Elle est où cette mère? Pourquoi? Parce que cette mère, elle travaille, elle a des activités. Son travail, c'est al-inaya bi awladiha. Son travail, c'est al-inaya bi zawdiha. Son travail, c'est de faire des efforts fi ta'atillah, fi l'ilm, fi ta'lim. Ce mari, s'il ne peut pas compter sur sa femme pour éduquer ses enfants, femen, à la crèche, à l'école, dans les pays musulmans, et il y a des manques. Ama balouk, ceux qui font hada inda al-kuffar, wal-ayyadu billah. Min hukuk hada al-walad kadalik, c'est que tu lui choisisses un ism hasan. Ça, c'est son haq. Ce ism, il va le suivre tout le temps. ومن العجائب أن بعض المسلمين الآن يشوازيز دي نون تستحي دي نون دو كفرة أو دي نون دو فساق طول أفان إلى حق عليك تو لي شوازي أن برينون طيب لي برينون دو الأنبياء لي برينون دو الصحابة لي برينون دو التعبد لله عز وجل كعبد الله عبد الرحمن اكسترا هكذا الأب الصالح. Il donne le haq à son enfant dès la naissance. Kadalik, tout ce qui concerne al-aqiqa. Et tout ça, wallahilhamd, on l'a expliqué dans certains durous. Et min a'zam al-huquq, on répète et on répète, al-tarbiya al-hasana. Ça, c'est le haq qu'il a alayhi. Tu fais les efforts, tu l'éduques à la din, à la sunnah. Et tu fais attention de ne pas l'élever à la afkar al-gharb. Et wallahi, c'est pas min huquq hada al-walad, bal c'est min al-dhulm, de placer cet enfant que t'aimes tant عند الكفر. Al-kafir, il donne pas le haqq à ses parents. Al-kafir, il donne pas le haqq à son créateur, à Allah jalla wa ala. Et comment il va prendre soin de cet enfant? Fattaqillah ayyuha al-ab. C'est pas une solution. T'as des responsabilités. Assallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat. كذلك من الحقوق ينفني avec هذا حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. C'est des حقوق عظيمة. Le mari, il a des droits sur sa femme, et la femme, elle a des droits sur son mari. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. Il nous a conseillé d'avoir un bon comportement envers les femmes. والله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. Donc cette femme, c'est une amana عندك. Allah سبحانه وتعالى t'a légiféré de te marier avec elle. Et c'est une amana. Tu dois être juste. Tu dois t'écarter du ظلم. Tu dois lui donner ses حقوق. Parmi ses حقوق, المهر. C'est le premier حق qu'elle a sur toi. المهر. C'est que si tu la demandes en mariage, un حق, tu dois lui donner la dot. Et la dot, c'est ce qu'elle demande, elle. Ça peut être de l'argent ou autre. Attends, mais son haq, c'est que tu lui donnes. Et cette dot, elle revient à la femme. Elle revient pas au père ou au frère. Fa'ba'dannas, maintenant, ils ont du zulm, هنا. Ils lui donnent pas son haq. Et al-kuffar fi hada al-bab, akthar. Robama, il profite de cette femme. Quand il a fini, il la jette, comme il jette une ordure fil qumam, à la poubelle. Al-islam, il nous montre qu'il y a cette femme. Si elle est halal pour toi et tu veux te marier, tu dois lui donner son haq, al-mahr. كذلك من حقوقها السكنة. C'est qu'elle est son propre foyer. Et si le mari a des difficultés, rien à la femme, elle patiente. Lakin, le mari, il doit prendre ses responsabilités. Il y en a cette femme, si tu veux qu'elle reste chez elle, si tu veux que tartah fi baytiha, elle doit avoir un certain confort. Sans dépasser les limites, bien sûr. لكن un foyer pour elle, c'est muhim. Et elle allait souvent dans son foyer, elle éduquera ses enfants dans ce foyer. Enfin, elle doit avoir ce foyer pour elle. كذلك من حقوقها النفقة. النفقة. Que ça soit la nourriture, que ça soit les vêtements, que ça soit les médicaments, tout ça c'est على الزوج. Donc cette femme elle a ce حق عظيم. كذلك من الحقوق الإحسان إليها. فلا يجوز للرجل qu'il insulte sa femme. Il a un mauvais comportement. Il la frappe. بغير سبب والعياذ بالله. Tout ça, là, il joue. Il doit avoir l'ihsan ilayha. Et parmi l'ihsan, al-sabr. Il doit patienter. La mar'a dha'ifa, surtout au début du mariage, surtout si elle est jeune. Farrajul, il doit patienter. C'est un bachar que tu as avec, c'est pas malak, min al-mala'ika. Donc, l'ihsan, bon comportement et la patience, et le conseil. Al-rajul kadalik, il a des hukouk. Et wa min a'dam hukoukihi al-ta'a. La femme elle doit obéir à son mari, bien sûr, fil ma'ruf. Amma s'il lui ordonne de faire quelque chose de haram, fala ta'a li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Amma quelque chose de mubah, et bien sûr, fi ta'ati Allah, elle doit lui obéir. Kadhalik, on peut citer brefement certains huquq, 'adamu al-idn liman yakrah ar-rajul dukhulahu fi baytihi. Si l'homme ne veut pas que telle personne elle rentre dans son foyer, la femme n'a pas le droit de faire rentrer cette personne quand son mari est absent. Ça c'est min haqq az-zawj. كذلك عدم الخروج من البيت. Elle ne doit pas sortir de son foyer sans l'autorisation de son mari. Ça c'est un haqq que le rajul il a. كذلك من حقوقه أن son obéissance elle passe avant l'obéissance des parents. Enfin, si sa mère à cette femme ou son père, ils lui disent telle chose, et le mari, il pense, il voit que le mieux c'est telle chose, elle doit obéir à son mari. Bien sûr, tant que ce n'est pas une mukhalafa, une ma'siya. Lana le mari, il a un haq azim sur la femme. هذه الحقوق. Le musulman, il doit faire des efforts. Il doit donner à chacun son haq. Son nafs, كذلك, comme dans le hadith Salman, il a un haq. Son nafs, tu n'as pas le droit de lui faire du mal avec le mukhadirat. Avec l'alcool, avec les drogues, t'as pas le droit. Il a un haq sur toi. Yom al-qiyama, tu rendras des comptes par rapport à tous ces huquq. Des comptes avec Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu l'as adoré? Des comptes. Est-ce que tu as suivi Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Des comptes par rapport à tes parents. Des comptes par rapport à ta femme, à tes enfants. Des comptes par rapport à tes biens. Par rapport à ton corps. Fal-insan, il prépare la réponse al-an. Il fait des efforts al-an si y a un taqsir. قال الشيخ سعدي نكمل ما ذكره في المثال قال وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية. Tous ces points qu'on a cités, tous ces droits, celui qui a la raison saine, même si c'est pas un musulman, il sera d'accord. Prendre soin du voisin, respecter le voisin, ses parents, etc. Tout ça, on a chac. On a même le kafir, il accepte. نحن نقول à ce kafir ان ces choses ça fait partie de notre din. قال وتتم بها المخالطه. لان الانسان il peut pas vivre seul. Tu as des enfants, tu as une femme, tu as des parents, tu as tes voisins. فالمخالطه c'est le fait de se mélanger. Donc pour vivre ensemble, لا بد من هذه الحقوق, et il faut des règles. قال وتتبادل فيها المصالح والمنافع. نعم, et on a vu tout ça dans tout ce qui est lié au commerce, etc. قال وبحسب حال صاحب الحق ومرتبته. Chacun par rapport à sa position par rapport à toi. Par exemple, le père et la mère, les parents, ils passeront avant ton frère. Si ton frère il a besoin de quelque chose, tes parents ils ont besoin de quelque chose, enfin, tes parents ils passeront avant. La femme, son mari, il passe avant les autres. Rasoul صلى الله عليه وسلم, il passe avant tout le monde. وهكذا. Chacun à sa place. قال رحمه الله وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر. À chaque fois que tu médites, tu réfléchis sur ces حقوق, tu t'apercevras que ces حقوق c'est pour emmener du bien et c'est pour repousser le mal. ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والإلفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. Et c'est ça le but de Cheikh Saadi al-An, de te montrer un assez hukuk. Si tu médites, tu t'apercevras que c'est pour un grand bien, c'est pour repousser le mal, et c'est la cause de ton bonheur. Tout ça, c'est cité dans cette sharia, dans ce din. وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَتَرَ فِيهَا هَذِهِ الْحُقُوقِ تَجْرِي مَعَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعُرْفِ. Ces hukuk, ils sont adaptés à toute époque, à tout lieu. Et chaque personne qui est à l'al-fitra et qui a un aql salim, il a une raison saine, il acceptera ses hukuk. Et c'est pour ça que كثيرون من الناس rentrent dans l'islam, والله الحمد. لأنه ils savent que la seule chose qui leur garantit leurs droits, c'est l'islam. Tes droits, ils ne seront pas préservés avec la démocratie. Démocratie, c'est du kadib. Ça les arrange, eux. C'est pour ça que quand ça les arrange, ils parlent de droits. Quand c'est contre tel groupe ou telle religion, c'est pour préserver la sécurité. Kadib. Il veut s'arranger, lui. C'est pour ça qu'il harab al-mar'a. Vous avez remarqué qu'il parle souvent de liberté de la femme. Il harab al-mar'a al-muslima. Famada indahum. La femme muslima, c'est pas une femme. C'est pas un être humain. Lakin hum fil haqiqa, et ça te montre la réalité de la démocratie, c'est pour préserver leur intérêt à eux. Léna, s'ils parlent de préserver l'être humain, de respecter l'être humain, pourquoi vous respectez pas le musulman? Ils sont des millions. Ça te montre que c'est du kadib. Enfin, tu veux tes droits. C'est fait l'islam. Fahmadillah, akhil muslim. T'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin de démocratie, de laïcité, de telle chose. T'as pas besoin de. T'as ton dîn et ton dîn il est kamil al-yawm akmaltu lakum dînakum. T'as pas besoin d'autre chose. Et c'est très grave de vouloir autre chose alors que t'as l'islam. Ça fait partie de le kufr. Le kufr a été pas reconnaissant. Nous n'ahmadu Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma et on veut pas quelque chose pour remplacer. Abadan. Pourquoi? Li'anna Allah, c'est lui qui a créé le bachar et c'est lui qui sait tel. Personne n'a besoin de telle chose. Telle personne a tel droit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le hukuk. Amma, t'espères tes droits d'un bachar? T'espères tes droits d'un être humain qui te déteste? Ashab al-démocratie, al-kuffar, ils détestent les musulmans. T'espères tes droits d'eux? Et t'amènes ce qu'ils ont fait avec al-Rabi al-Arabi, avec ce qu'ils appellent le printemps arabe, soi-disant pour donner les droits aux arabes, aux musulmans. T'amènes qu'est-ce qui s'est passé? Leur but, c'était pas de donner les droits. Leur but, c'était la fawda. Les révoltes, rébellions, les massacres, les tueries, jusqu'à aujourd'hui. Amma fil islam, là. L'islam, ils auraient respecté l'islam fi hada, ils auraient obéi à leur gouverneur. Surtout si c'est un musulman. Ils n'ont pas le droit de se rebeller. Si c'est pas un musulman, comme c'est le cas dans certains pays, si c'est pas un musulman, si ça emmène à un mal plus grand, t'as pas le droit. T'as pas le droit, ça va provoquer des tueries et les musulmans, ils sont en faiblesse. Pas trop rouge, il n'y aurait pas eu tout ça. لكن قدر الله وما شاء فعل. Et la cause c'est quoi? C'est qu'ils ont recherché leurs droits dans autre que l'islam. قال وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا جالبة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء. صحيح. تعاون. Ça appelle à l'entraide في الخير. كذلك si ton frère il a besoin de quelque chose, fa inshallah tu fais tout pour le satisfaire, fi ta'atillah. Kadhalik, ça va éloigner al-barda wa shahna, la haine, la rancœur qu'il y a entre les personnes avec ses huquq, inshallah hada yadhhab. C'est pour ça que ton voisin, si tu appliques as-sunna et tu respectes son intimité, tu lui fais pas de mal avec tes déchets, avec ton bruit, avec tu lui fais pas de mal ma hadil umur, fa inshallah il y aura pas de barda entre toi et lui. Bien sûr, si ça reste un kafir, tu le détestes toujours li annahu un kafir. Lakin par rapport à ce lien de voisinage, fa anta tu lui fais pas de mal et lui il te fait pas de mal. Bel anta tu fais le bien même si c'est un kafir pour qu'il rentre fait l'islam. Kam min an-nas ta'atharu bi jiranihim. Il sait que son voisin c'est un musulman, il voit comment il vit. Un bon comportement, il est propre, il ne fait pas de bruit, il ne gêne personne. Et ce voisin, même s'il entend dans les médias, les musulmans, ils font, s'il voit ce musulman, il dira, c'est pas vrai. J'ai un voisin musulman et il est comme ça, comme ça, comme ça. C'est muhim. أما الكافر فنبغضه على كل حال c'est un proche, c'est un voisin ou pas. لكن نحن regarde الآن من باب الدعوة. قال وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. نعم الشيخ سعدي تمون خلنا سي شوز في الحقيقة سي ديتايي dans le Coran, dans le Sunna, et nous on a cité quelques points, quelques hadiths, quelques versets, وإلا c'est des sujets qui sont vastes. لكن نحن c'est pour montrer فقط عظمة هذا الدين. C'est pour montrer فقط أن هذا الدين il est fondé sur le haq, sur l'adl, sur le rahma, sur le qist. C'est pas fondé sur le batil et sur l'injustice comme ils prétendent أهل الكفر والإلحاد. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.